بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنخوض المسألة 17. 17 مسألة. كذلك j'en ai pas certaines qui elles يعني n'apparaissent pas forcément dont la feuille d'un n'apparaissent pas forcément en français. فقال في قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فَفَلِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَلِيقًا تَقْتُلُونَ. Que Allah dans le sens, il est dit, toujours en sourate al-Baqara, à chaque fois, en parlant aux fils d'Israël, à chaque fois que vous venez un messager avec ce qui ne vous convenait pas, c'est-à-dire qu'il venait avec un message qui ne correspondait pas à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil. Et vous avez démenti, traité de menteur une partie d'entre eux, et vous en avez tué une autre. Al-Baqara, verset 87. قال هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل. Donc ce verset démontre qu'ils ont tué certains des messagers. Là c'était معروف que les Banu Israël ont tué des messagers des prophètes. ونظيرها قوله تعالى قل قد جاءكم الرسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. Dans le sens où Allah dit également que certes des messagers vous sont déjà parvenus avant moi avec des preuves et avec ce que vous disiez vous-même, c'est-à-dire les mêmes paroles que vous, pourquoi est-ce que vous les avez tués? La famille Imran, verset 183. وقوله تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Il dit également à chaque fois qu'un messager vous parvenait avec ce qui ne vous convenait pas, d'accord, vous avez traité une partie d'entre eux de menteurs et vous en avez tué une autre. Surat al-Ma'ida, la table de service, verset 70. Hada. Donc ces versets nous démontrent qu'ils ont tué des messagers. Wa qad ja'a fi ayatin ukhar ma yadullu ala anna ar-rusul ghalibun mansurun. Ka qawlihi ta'ala, kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Que d'autres versets sont venus démontrant que les messagers, à la base, seront eux les vainqueurs et secourus par Allah Azzawajal. Comme lorsqu'il dit que Allah a écrit que je, certes, triompherai moi ainsi que mes messagers. Al-Mujadala, l'entretien, verset 21. Kakoulihi ta'ala, wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, innahum lahum l'mansurun, wa inna jundana lahum l'ghalibun. Que Allah, dans le sens où il dit, certes, ma parole a devancé pour mes serviteurs envoyés, qu'ils seront secourus, et que certes, mes troupes seront eux les vainqueurs. As-Saffat, les rangées, versets 181 au 171 à 173. 171 à 173. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Que Allah, dans le sens où il dit que leur Seigneur leur a révélé, certes, je détruirai ou j'anéantirai les injustes, et nous vous ferons habiter la terre après eux. Et cela, c'est-à-dire cette récompense, sera pour ceux qui ont eu peur de ma rencontre et qui ont eu peur de ma promesse. Sourate Ibrahim, versets 13 et 14. وبين تعالى ان هذا النصر في الدار الدنيا ايضا كما في هذه الايه الاخيره وكما في قوله ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا. Donc que Allah il a démontré clairement que ce secours sera apporté également en cette dunya, en ce bas monde, comme le prophète ce verset cité dernièrement, puis le nouveau qu'il cite actuellement où Allah dans le sens où il dit certes nous allons secourir nos messagers ainsi que ceux qui ont cru en cette vie, en ce bas monde. Sourate Ghafir, verset 51. فالآن سيجمع بين هذه الآيات. قال والذي يظهر في الجواب عن هذا. Maintenant, ce qui apparaît comme réponse entre ces versets. Des versets disent que les messagers seront tués par les bannis d'Israël, d'autres versets qui disent que Allah va les secourir. إن الرسل قسمان قسم أمروا بالقتال في سبيل الله وقسمون أميروا بالصبر والكف عن الناس. que les rasouls, les messagers, sont de deux sortes. Ceux qui étaient, à qui il était ordonné de combattre sur le sentier d'Allah Azzawajal, et ceux à qui il était ordonné de patienter et de ne pas s'en prendre aux gens. فَالَّذِينَ أُمِرُوا بِالْقِتَالِ وَعَدَهُمُ اللَّهُ بِالنَّصْرِ وَالْغَلَبَةِ وَالْغَرَبَةِ فِي الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَالَّذِينَ أُمِرُوا بِالْكَفِّ. Ouais, écrit kef, ça peut être kouf, ça peut être kef. وَالصَّبْرِ هُمُ الَّذِينَ قُتِلُوا لِيَزِيدَ اللَّهُ رَفْعَ دَرَجَاتِهِمْ الْعُلْيَا بِقَتْلِهِمْ مَظْلُومِينَ. Donc ceux à qui il était ordonné de combattre, Allah leur a promis le secours et le triomphe dans les versets cités. Quant à ceux à qui il était ordonné de patienter sur les gens et de ne pas leur nuire, ceux-là sont ceux qui ont été tués, pour que Allah puisse leur ajouter des degrés. Hein? Dans des degrés beaucoup plus hauts du fait qu'ils ont été tués en toute injustice. وَهَذَا الْجَمْعُ مَفْهُمٌ مِنَ الْآيَاتِ لِأَنَّ النَّصْرَ وَالْغَلَبَةَ فِيهِ الدَّلَالَةُ بِالْتِزَامِ عَلَى الْجِهَادِ وَمُقَاتَلَةَ. Donc le fait de joindre cette façon entre les versets est une chose qui est claire, qui est compris par les versets. Car justement le triomphe ainsi que le secours, cela démontre quoi? Justement, implique un jihad, un combat et une lutte. Donc de là, le shir, hamdoulillah, a pu joindre entre les versets. وقال وأما على القول بأن غربة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية والله أعلم. Et quant au fait de dire justement que le triomphe justement des messagers et leur secours sera fait par les arguments et par les preuves, cela ne pose aucun problème entre les deux versets. Entre les versets qui parlent qu'ils se sont fait tuer et les versets qui parlent qu'ils sont secourus. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Là-dessus, il n'y a pas de contradiction apparente. Naam. S'il y a d'autres versions ou d'autres réponses qui ont été données, je ne les connais pas. Là, je cite que ce qu'il y a dans le livre actuellement. Naam. Fabien Delcode Naktafi. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.